Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et après s'être gratté les neurones, il faut bien le dire, à propos de la relativité générale, on va revenir sur Terre et se gratter les neurones en se posant une question qui nous concerne directement, nous humains de ce 21e siècle. La question est, l'espèce humaine d'aujourd'hui est-elle encore soumise à la sélection naturelle, à moins qu'elle ne s'en soit émancipée? Et pour chercher une réponse à cette question, je vais m'entretenir avec Cyril Barrette, qui est professeur émérite à l'Université Laval, biologiste et spécialiste de l'évolution. Il aura certainement une idée sur la question. Bonjour Cyril. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. Alors en fait, on parle là de l'espèce humaine de ce 21e siècle, mais je propose qu'on fasse un retour en arrière dans le temps, à l'époque où l'espèce humaine était encore en évolution, je ne sais pas trop comment on peut le dire, donc on remonte, on est au temps des Australopithèques, ils ne sont pas encore vraiment debout, ils se redressent petit à petit, ils acquièrent l'habilité de concevoir des outils, la parole. Donc à cette époque-là, comment la sélection naturelle s'appliquait sur nos ancêtres? En fait, la sélection naturelle s'applique toujours de la même façon et c'est une des caractéristiques profondes de l'espèce humaine. L'espèce humaine a été produite par la sélection naturelle en termes d'origine et d'évolution. On a été produit par les mêmes mécanismes que toutes les autres espèces. C'est-à-dire que pour qu'un caractère, que ce soit de l'anatomie, la physiologie ou le comportement, émerge et soit maintenu et amélioré éventuellement par la sélection naturelle, il faut absolument que ce caractère contribue positivement au succès reproducteur des individus qu'il possède. Si un caractère nuisait au succès reproducteur, il travaillerait par lui-même à sa propre élimination par sélection naturelle. Ouais. Donc l'humain a été soumis à cette comptabilité très très simple et brutale, froide quasiment, froide en termes de coûts-bénéfices, et les coûts et les bénéfices se mesurent en progéniture. Donc un individu qui a un meilleur succès laisse plus de copies de ses gènes dans la génération suivante, donc ça s'appelle être sélectionné. Donc ça veut dire que le fait de se redresser lui donnait plus de chances pour se reproduire, à sa survie. Oui. Le fait de se redresser entre autres et tous les autres caractères qui viennent avec. Oui. Alors si on admet cette idée qui est tout à fait admise aujourd'hui en biologie, c'est la réponse à la question pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est devenu bipède? Parce que ça contribuait au succès reproducteur. Le défi, c'est de savoir de comment. De quelle façon, En quoi ça l'avantageait? En quoi? Et là, on est dans les spéculations, parce qu'évidemment, on n'était pas là et ces éléments ne laissent pas de traces. Mais ce qui est certain, c'est que la transformation d'un quadrumane, donc un singe comme un chimpanzé, c'est pas notre ancêtre, mais comme modèle, avec quatre mains, en un individu bipède, donc avec deux pieds et deux mains, ça implique une transformation profonde de presque tout le squelette. Les pieds, les mains, les jambes, les bras, la colonne vertébrale, le crâne, etc., le bassin. Donc, et toute la musculature associée et une sorte de mise à jour aussi profonde du système d'équilibre qui est dans l'oreille interne. Donc, comme la transformation est très profonde, c'était certainement très coûteux. Inévitablement, il fallait qu'il y ait un grand nombre d'avantages pour les individus. Donc, il fallait que ce soit très payant pour les individus de devenir bipèdes. Est-ce que c'était pour mieux se déplacer plus efficacement sur une longue distance dans la savane? Est-ce que c'était pour mieux voir au loin, en termes de thermorégulation, une façon pour se déplacer d'un endroit où il y avait de la nourriture à un autre, peut-être, d'un endroit forestier à un autre forestier, peut-être? Oui, c'est ça. Mais se déplacer plus vite? Peut-être pas plus vite, mais plus longtemps, sur une plus longue distance. On peut mesurer l'efficacité énergétique du déplacement d'un chimpanzé. Sur une courte distance, il est plus efficace que nous, bipèdes. Mais sur une longue distance, l'humain le surpasse largement. Donc, c'était peut-être ça. C'était peut-être pour favoriser la libération des mains pour transporter des outils, pour transporter des enfants, pour transporter de la nourriture. Et probablement toutes ces réponses. En même temps, l'humain a acquis un gros cerveau aussi. Donc, on comprend un petit peu l'avantage que ça lui a donné parce qu'en quelque sorte, pour résumer la chose, il est devenu intelligent. Il est devenu intelligent. Mais faut savoir, quand on examine les fossiles, que nos ancêtres lointains, Australopithèques, sont devenus bipèdes avant que le gros cerveau se développe. Les Australopithèques, comme Lucie, par exemple, étaient tout à fait bipèdes, mais avaient un cerveau de la taille de celui d'un chimpanzé. Donc, le cerveau est venu après. Et là aussi, c'est un organe qui coûte très cher à produire, très cher à maintenir, même chez un adulte, très cher en énergie, etc. Donc, c'est évident qu'il devait y avoir un très, très grand avantage. Et on imagine, si on pense en termes d'intelligence, on définit l'intelligence comme la capacité de s'adapter très rapidement aux conditions changeantes. Donc, c'est l'adaptabilité des individus l'adaptabilité phénotypique, comme on dit, donc non pas l'adaptabilité génétique, mm-hmm. mais l'adaptabilité de l'individu lui-même, qui était très importante pour son succès reproducteur. Mm-hmm. Donc, l'avantage principal du développement du cerveau, c'était mm-hmm. le développement de cette adaptabilité, ah, oui. capable de s'adapter rapidement, capable de transmettre les informations à la progéniture et aux congénères autour, donc capable d'enseigner. De dire comment faire pour survivre. Voilà, tout ouais. ça se transmet très rapidement ouais. et c'est un mode d'évolution et de transmission lamarckien. C'est parce que c'est la transmission. On l'acquiert pendant notre vivant notre vie, et on le transmet. Contrairement, ça, c'est ouais. énormément plus c'est efficace, comme, ouais. énormément plus rapide que l'évolution darwinienne par sélection naturelle. Mm-hmm. Et tout ça, c'est permis par le cerveau, mm-hmm. par le développement du langage, par le développement du sens qu'on donne aux concepts, aux mots, etc. Donc, c'est pourquoi notre espèce a accepté, si on veut, de payer le prix du développement d'un très gros cerveau. Parce que les avantages étaient énormes. Il y avait un avantage, oui. Mais aussi, ce faisant, ça a donné à l'espèce humaine la capacité de s'adapter à toutes sortes d'environnements sur Terre. Je me faisais la réflexion qu'on trouve des humains à peu près partout. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres espèces qu'on trouve partout? Est-ce que c'est propre à l'espèce humaine, ça, d'être... Il y a des espèces animales qui ont des aires de répartition très, très larges et dans un grand nombre de milieux différents. On pense au renard roux, par exemple. Le renard roux, parmi les mammifères, ah ouais? Ou le loup, on peut trouver des loups dans l'Arctique, on trouve des loups dans les milieux semi-désertiques, tropicaux, des sous-espèces de loups. Mais il n'y a aucune espèce qui atteint le même niveau que l'humain. Et l'humain est tellement adaptable grâce à tout ce que le cerveau lui a permis de développer, les abris, les c'est habits, ça. Les outils, etc. Et si on va jusqu'à l'agriculture... C'est ça, oui. Ce qui permettait qu'on... de trouver, de se faire à manger, finalement, à manger plus que la terre ne lui en apportait. Voilà, de se créer un propre écosystème qui était très riche pour le nourrir. Donc, ça permet à l'humain d'occuper toutes les niches. Aucun autre exemple connu d'une espèce qui serait à l'aise autant dans les tropiques, dans la forêt tropicale humide, dans les déserts, en Arctique, etc. Mm-hmm. Donc, et ça, c'est de toute évidence les inventions que le cerveau a permis. Mm-hmm. qui ont permis Mais ça. À ce moment-là, donc, ça veut dire que l'humain s'est implanté, vit, survit, etc., se reproduit à des endroits où il n'aurait peut-être pas dû vivre s'il n'avait pas cette intelligence. C'est clair. Donc, est-ce que ça veut dire que, justement, il s'est émancipé de la sélection naturelle, que la oui. sélection naturelle ne s'applique plus à lui? Bien, c'est-à-dire qu'il faut nuancer un peu. Il y a un grand nombre d'humains aujourd'hui, de plus en plus d'humains, qui sont de plus en plus émancipés de la sélection. Et pour le démontrer... Mm-hmm. Comme toujours, il faut se comparer aux autres espèces. Si on regarde n'importe quelle autre espèce et qu'on examine n'importe quel de ses caractères phénotypiques, comme on dit, que ce soit de l'anatomie, de la physiologie, du comportement, on va trouver qu'il y a une correspondance très, très étroite entre les différences dans ce caractère d'un individu à l'autre et des conséquences correspondantes dans le succès reproducteur des individus. Oui. Donc, la longueur des pattes, la valeur isolante de la fourrure, l'acuité visuelle, on regarde les différences entre les individus, puis on voit que ça se traduit par une différence dans le succès reproducteur. Il y a comme quelque chose d'optimal, une certaine épaisseur de la fourrure optimale, longueur de pattes optimale, qui fait que ces individus-là vont mieux se reproduire que ceux qui ont des valeurs un peu extrêmes. Voilà. Alors, donc, il y a une variabilité que la sélection va favoriser un élément en particulier ou une caractéristique ou une qualité en particulier dans un milieu donné. Alors que si on fait la même comparaison chez l'humain, c'est très difficile de trouver des caractères phénotypiques, encore une fois anatomiques, physiologiques ou comportementaux, qui sont reliés au succès reproducteur. Donc, des humains comme vous et moi, dans nos conditions de vie occidentales, grâce aux habits, aux abris, à l'agriculture, à la médecine, à la technologie, aux machines, nous sommes dans une très large mesure à l'abri de la sélection naturelle. Ça veut dire qu'en fait, quel que soit notre phénotype ou notre allure ou autre, finalement, notre succès reproducteur est partout le même. On a tous le même. On a tous le même. Oui, il est variable, mais il n'est pas variable en fonction d'un caractère phénotypique. Ouais, c'est ça. Alors, évidemment, si on fait exception des cas pathologiques extrêmes, des gens qui seraient incapables de se reproduire ou qui auraient une pathologie majeure, mais pour les gens qui ne sont pas victimes de ces conditions, je vous mets au défi je mets les auditeurs au défi de trouver des différences dans un caractère anatomique, physiologique ou comportemental qui se traduisent par des différences de succès reproductif. producteurs. Du moins, après, ça devient culturel, parce que dans nos sociétés, on fait moins d'enfants que dans d'autres, par exemple. Donc, ça, il y a un élément culturel qui s'ajoute. Voilà, peut-être. C'est la culture qui joue. Et si on compare, on se compare là aussi aux autres espèces, on voit que chez les autres espèces, plus les individus ont de ressources à leur disposition, plus ils se reproduisent. Alors que chez nous, c'est un peu le contraire. C'est ça, oui, c'est vrai. Oui, oui, d'accord. Donc, mais est-ce qu'on peut mettre quand même tous les êtres humains sur la planète sur la même longueur d'onde? Parce que bon, on comprend que nous, dans notre société, c'est facile, on part dans nos sociétés développées, on a la médecine à notre portée, on mange, etc., mais il n'en est pas de même partout sur la planète. Non. Donc est-ce que pour des peuples qui ont moins de ressources, est-ce qu'ils sont pareillement émancipés de la sélection naturelle? Non, non, pas du tout. Si on pense à tous les humains qui vivent, qui sont préoccupés par la survie au quotidien, leur propre survie et la survie de leurs enfants au quotidien, ces humains sont encore soumis à la sélection, c'est-à-dire que la mortalité, la fécondité, la longévité sont dans une large mesure fonction des conditions écologiques. Mm-hmm. Donc là, c'est seulement les meilleurs qui réussissent, ouais. Les plus résistants aux parasites, les plus résistants aux bactéries, les gens qui sont plus habiles à digérer la nourriture, etc. Et là, on se retrouve dans une situation qui ressemble à celle de toutes les autres espèces. Mmh. Et un des exemples flagrants de ça, c'est les populations de chasseurs-cueilleurs qui existent encore aujourd'hui. Ces gens sont soumis à la sélection naturelle comme tous les humains l'étaient avant l'invention de l'agriculture, avant l'invention des technologies, de la médecine moderne. Mmh. Puis pour en venir donc à l'évolution finalement qui nous a dotés d'un gros cerveau, donc de l'intelligence, et finalement, c'est comme si ce gros cerveau nous avait lui-même permis de sortir de la sélection naturelle. C'est un peu curieux. Voilà, c'est très curieux, et je trouve que ça, c'est une affirmation sur laquelle on peut méditer longtemps. Mm-hmm. La sélection naturelle, en nous dotant d'un gros cerveau, nous a donné, par inadvertance, mm-hmm. sans le vouloir, sans le désirer, sans le prévoir, nous a donné l'outil pour lui échapper. Oui. Et nous sommes la seule espèce à qui c'est arrivé. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, donc, si on poursuit la réflexion, si la sélection nous a doté d'un cerveau qui nous sort de la sélection naturelle, si la sélection naturelle est le moteur de l'évolution, est-ce que ça veut dire que notre évolution est finie, puisqu'on a perdu ce moteur? Notre évolution biologique est dans une large mesure terminée. Mais notre évolution culturelle continue. Mm-hmm. Et à vitesse grand V. Donc, l'évolution technologique, l'évolution médicale, l'évolution politique, l'évolution sociale, l'évolution morale, l'évolution scientifique, au contraire, s'accélère à mesure que le temps passe. Mais nous sommes dans une large mesure, notre évolution biologique est terminée. Il ne faut pas compter sur la sélection naturelle et notre évolution biologique pour améliorer notre cerveau, pour améliorer notre locomotion, pour améliorer notre résistance aux parasites, ou pour améliorer quoi que ce soit, ou pour nous débarrasser de notre appendice ou de nos dents de sagesse. Ça n'arrivera pas par sélection naturelle. Ces caractères sont neutres. Ouais. C'est-à-dire n'ont plus aucun impact sur notre succès reproducteur, donc sont à l'abri de la sélection. Mais est-ce que cette intelligence pourrait pas nous jouer des tours quand même? Parce que, bon, on l'a vu dans le passé, on est capable, même maintenant, on est capable de fabriquer des armes qui peuvent en tuer certains. Donc, pour cette personne-là, le succès reproducteur n'aura pas vraiment été assuré. Donc, est-ce que notre intelligence ne peut pas nous jouer des tours quand même? Ben voilà, tant qu'on était soumis à la sélection comme les autres espèces, on était en équilibre avec notre milieu, avec tous les inconvénients d'une méthode qu'on appelle la sélection, qui est très, très lente et qui élimine un grand nombre d'individus. Maintenant que nous sommes à l'abri de la sélection, ça veut dire que notre vie actuelle et notre futur sont fondés sur nos propres décisions, sur nos choix, avec tous les risques que ça comporte. Mm-hmm. Donc, la question à se poser, c'est oui, l'intelligence nous permet de se libérer de la sélection, de développer une évolution culturelle qui est rapide, qui est excitante, qui est fulgurante, mais est-ce que on aura l'intelligence de survivre à notre intelligence, essentiellement. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut développer une nouvelle forme d'intelligence pour pouvoir redevenir apte à survivre longtemps. C'est ça. Parce qu'on entend aussi, il n'y a qu'à voir, par exemple, avec la pollution, ça peut nous rattraper. On voit, finalement, on est comme c'est comme si l'humain, en quelque sorte, était un produit toxique pour l'environnement et que l'environnement devenait toxique pour l'humain et pouvait lui nuire. Ben voilà. Alors, par la surpopulation elle-même, oui, et tout ce qui en découle, la pollution, les tensions sociales, les conflits entre les conflits raciaux, les conflits religieux, etc. Mm-hmm. Tout ça, ça découle, ce sont des fruits de notre intelligence. Mm-hmm. La sélection naturelle n'aurait jamais permis ces choses-là. Mm-hmm. On voit jamais de ces situations chez les autres, mm-hmm, espèces. Je me posais la question aussi, bon, on dit tous les moyens médicaux, finalement, nous permettent de nous émanciper, de sortir de la sélection naturelle, donc des gens vivent qui n'auraient peut-être pas vécu aux conditions naturelles. Mais d'un autre côté, on développe aussi toutes sortes de tests génétiques qui permettent qui permettent peut-être de trier certains embryons et donc qui font que certaines personnes ne vivront pas non plus, qui n'auraient peut-être pas vécu d'ailleurs par la sélection naturelle et qui ne vivront pas. Donc finalement, est-ce que on rattrape pas la sélection naturelle de cette façon-là? Ben, c'est-à-dire que avec les technologies médicales, on peut corriger des maladies génétiques, par exemple, ou on peut les éviter, mais c'est toujours fondé sur des décisions qui sont risquées. Il y a toujours des effets pervers à toutes les, à tous les choix, à toutes les décisions qu'on fait. Donc, on peut modifier notre évolution future. Et une des questions fondamentales à se poser, c'est comment allons-nous appliquer le génie génétique à l'évolution future de l'humain? On peut avec les technologies actuelles et qui s'en viennent, on pourra facilement transformer l'humain en un OGM, un organisme génétiquement modifié. Donc, on aura modifié la biologie de l'humain, mais volontairement. Ouais, effectivement. Avec tous les risques que ça comporte, évidemment. Ouais. Et si on en vient maintenant, je reviens au problème de pollution, en tout cas parce qu'on relie un petit peu ce problème-là à la pollution. Je veux parler des problèmes d'infertilité qui sont quand même croissants. Puis on voit que dans les pays industriels, les mâles ont du moins produisent un sperme de moins bonne qualité, donc des problèmes de fertilité. Est-ce que donc ça veut dire qu'on va avoir du mal à se reproduire à un moment donné? Est-ce que là aussi, finalement, la sélection naturelle n'est pas en train de nous rattraper parce qu'on va avoir de plus en plus de mal à se reproduire? Non, je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter. On est encore loin de cette situation-là. Et étant donné les développements des connaissances médicales et scientifiques, on voit venir justement ces problèmes qu'on peut arriver à contrer. Et oui, la qualité des spermatozoïdes se détériore, au contact avec des polluants, par exemple, ou des conditions stressantes de nos vies. Mais encore une fois, pour le moment, ça ne nuit pas du tout au succès reproducteur. On a autant d'enfants qu'avant. Ils sont de la même qualité qu'avant. Et c'est juste que c'est peut-être plus difficile d'enfanter, mais on est encore loin d'une détérioration qui serait critique. Je me projetais un peu plus dans l'avenir si la détérioration venait plus dramatique, mais peut-être que notre intelligence aura permis de contourner ce problème-là, faire des spermatozoïdes artificiels. Peut-être pas. Non, je pense qu'on est encore loin de ça. Mais c'est sûr qu'il faut développer une capacité d'être proactif et de voir à long terme, ce qui n'est pas naturel. Donc, on voit venir les problèmes à l'avance. Et puis, je ne suis pas en train de dire que les capacités technologiques peuvent tout solutionner, loin de là. Mais justement, cette intelligence qui nous permet d'imaginer le futur et de faire des corrections, je pense, nous permettent d'être optimistes. Et alors, donc là, vous disiez, pour ne pas être victime de notre intelligence, il va falloir développer un deuxième niveau d'intelligence. Est-ce que la sélection naturelle pourrait s'appliquer sur les gens qui vont développer ce deuxième niveau d'intelligence? Encore une fois, pour que la sélection naturelle s'applique, il faudrait qu'il y ait une différence de succès reproducteur. Une différence de succès reproducteur entre les gens qui sont particulièrement intelligents de cette façon et ceux qui ne le sont pas. Donc, on peut imaginer que ça pourrait arriver, mais encore là, on est très, très loin de ça. Je pense que cette nouvelle forme d'intelligence, encore une fois, qui permet d'être proactif et de voir à long terme, d'imaginer le futur, d'avoir des projets et puis d'essayer d'imaginer les effets pervers, je pense que ça peut nous mettre à l'abri du mais pire. Mais il va falloir la trouver, cependant. Oui. Parce que sinon, on risque de se faire rattraper par la sélection naturelle, dans le sens où on crée un environnement dans lequel on n'arrivera éventuellement pas à se reproduire, oui. ou parce que l'environnement, bon, pour différentes raisons, on n'arrivera pas à se reproduire. Donc, il va falloir l'inventer presque, cette deuxième intelligence. Oui, oui, absolument. Et je peux donner un exemple concret oui. qui permet de cristalliser un peu cette réflexion-là. Si on pense à l'obésité, par exemple, qu'est-ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile de maigrir que d'engraisser? C'est que nous sommes porteurs d'un grand nombre de programmes génétiques hérités de nos ancêtres qui permettent d'engraisser, donc oui. de mettre en réserve sous forme de graisse les excès de nourriture temporaire. Mais ces programmes génétiques appliqués dans notre contexte actuel, c'est ce qui génère l'obésité et toutes les maladies qui en découlent, parce que on continue, grâce à ces programmes hérités de nos ancêtres, à mettre en réserve, en préparation pour une famine qui n'arrive jamais. Qui n'arrivera pas, oui. Donc, mm-hmm. Il faut développer donc